Merci beaucoup d'avoir si bien plaidé pour l'association et d'avoir présenté un projet précis, tout en soulignant les dangers de l'évolution de la commu-e et en montrant la nécessité d'un moratoire. Merci beaucoup. Donc à présent, je suppose que vous avez beaucoup de questions à poser à Stéphanie Smadja sur peut-être sur le moratoire, sur les perspectives de l'association. Voilà. Moi, je voudrais signaler que tout ce que vous présentez comme avantages de l'association et qui sont pour nous des avantages, en réalité, c'est les inconvénients pour les décideurs d'en haut. J'ai le sentiment, et je veux dire pourquoi, parce que je reviens d'un voyage aussi en Serbie, et j'ai quelques contacts avec des gens des pays de l'Est, j'ai l'impression que ce qui nous tombe sur la tête, c'est le volet université d'un projet totalitaire que, dont les agents et les inspirateurs le font passer à tout prix les moments de crise. Je vais donner un exemple d'un projet analogue. C'est le projet fait par le gouvernement de Kiev le lendemain de la prise du pouvoir par une coalition où il y avait des nazis dedans et qui consistait à réduire de moitié le nombre d'universités du pays par une fusion de manière forte. C'est-à-dire, on décide que telle université et telle université vont fusionner. Chez nous, on ne peut pas faire ça, mais on a le sentiment que ce genre de projet, avec la fusion au bout, font partie d'une idéologie, font partie d'un projet global, totalitaire, et qu'ils en sont le volet concernant les universités. Les autres volets sont la flexibilisation du travail, etc., etc. Et tout ce que vous avez dit, par exemple, concernant les DRH, mais à leur point de vue, il faut qu'il y ait des DRH qui soient hors d'atteinte des délégués syndicaux. C'est ça le rêve. Ce n'est pas l'inconvénient. Donc, je pense que nous devons mettre en avant tous ces avantages. Nous devons essayer de convaincre nos collègues. Mais je crains que nous n'avons pas affaire à des gens qui se trompent. Nous avons affaire à des chevaliers d'un projet mûrement réfléchi et vraiment dangereux. Ouais, c'est peut-être plus une remarque qu'une question du coup. Donc, je suis également à Paris d'Hydro et à Solidaire étudiant. Alors, enfin, j'avais deux remarques. Une qui est plutôt une question. J'ai toujours pas compris, en fait, dans les arguments de la liste d'association, pourquoi appuyer sur cette différence Île-de-France-Province. Personnellement, je vois pas l'intérêt des communes en province plus qu'en Île-de-France. Et bref, c'est un argument qui me laisse vraiment sceptique en fait, et je comprends pas pourquoi l'avancer. Mais pourquoi pas hein, en soi. Je demande qu'à être convaincu. Bref. Concernant la demande de moratoire, j'ai l'impression qu'il y a un truc à côté duquel on passe un petit peu et qui est peut-être lié à cette question, c'est qu'on fait quand même face à une présidence d'université, hein, la personne de Madame Clérici, qui est particulièrement déterminée et qui n'est absolument pas dans une logique de dialogue, malgré quelques petits points qui sont accordés pour nous faire croire qu'il y a un dialogue, mais en fait... Quand on regarde l'ordre du jour du dernier CA où a été présenté ce fameux projet, point 1, présentation donc de Cécile Sakai sur cette question, point 2, discussion des statuts de fusion de commu-e pour la suite. Quoi. Donc, c'est-à-dire que c'était déjà acté dans l'ordre du jour que finalement, on faisait une petite discussion histoire de rigoler au début, et puis après, on parlait des choses sérieuses, c'est-à-dire la commu-e. Donc, à partir de là, il faut quand même qu'on arrive à enregistrer que cette demande de moratoire que nous, à Solidaire, on rejoint et on promeut ça également, il faut qu'on la seconde d'un rapport de force, en fait, qui permette de la faire passer, parce que c'est très probablement pas, en tout cas je crois pas, en convainquant nos adversaires qu'il faut un moratoire, qu'on y arrivera. C'est en les mettant devant un rapport de force qui ne leur permette pas de refuser ce moratoire. Peut-être déjà faire une pétition. Il y a une pétition. Oui, il y a une pétition, mais elle a signé. Il y a une pétition, mais il faut la populariser, cette pétition. Hein, il faut peut-être la refaire. La reformuler de manière à ce que tout le monde puisse la signer. Qui peut être contre un moratoire? Qui peut être contre un débat? Moi, je pense qu'il faut la formuler de manière, si vous voulez, relativement neutre, pour que les personnes soient incitées à prendre connaissance des enjeux. Nos collègues ne connaissent pas la question, ne la connaissent pas du tout. Donc, c'est toujours le problème. Hein. Ils ne connaissent pas les textes, ils ne connaissent pas les enjeux. Donc, moi, je pense qu'il faudrait formuler une pétition qui soit vraiment, si vous voulez, juste neutre, informative, pour que simplement, comment dire, qui peut être contre quelque chose d'aussi raisonnable que on prend un certain délai pour quelque chose qui va engager l'avenir. Et qui pourrait être contre ça? Et je pense qu'il faut faire une pétition très raisonnable, quelque chose de très raisonnable, et qui puisse être signé par une grande majorité des personnels de Sorbonne Paris-Cité. Je pense qu'il faut la reformuler, la pétition. Et je ne vois pas comment on peut refuser un moratoire qui serait demandé par la majorité des personnels. Mais pour ça, il faut une pétition qui ne soit pas militante. J'ai une question. Sur la pétition, il ne s'agit pas d'être contre, hein, il s'agit d'être pour. Et entre être contre et être pour, il y a un continuum. Et des pétitions, il en traîne beaucoup. Elles ne sont pas signées, ce qui ne signifie pas que les gens soient contre. Ça veut dire qu'ils ne sont pas pour ou désintéressés. Mais ce n'était pas ma question. Je pense que les pétitions, on a épuisé l'exercice de style, hein, à mon avis. Alors, je suis de Paris Diderot. Ma question est la suivante. Imaginons qu'au mois de juillet, la commune passe à Paris Diderot. Que comptez-vous faire, vous, les élus? Ça semble très important, puisque vous n'aurez plus aucune réelle importance au sein de la commune SPC. Est-ce que vous comptez claquer la porte? Est-ce que vous comptez accompagner le mouvement? Enfin, que comptez-vous faire? Tu veux dire, nous, les élus de la liste, ensemble? En fait, pour l'instant, on est toujours. Pour l'instant, nous sommes concentrés sur la demande de moratoire et on lutte pied à pied au CA pour modifier les statuts. Donc, on est vraiment, pour l'instant, pas encore dans cette perspective de que faisons-nous après. Mais on va organiser, fin juin, début juillet, une réunion publique qui sera largement ouverte. Une réunion, justement, de tous les élus de notre membre, de notre liste et avec Maximilien. Et on va en discuter. Faire un commentaire, ça veut dire que oui. Ce n'est pas clair dans votre esprit. Vous seriez capable d'accompagner le mouvement aussi? Non, c'est pas que ce soit pas clair, c'est que pour l'instant, en tout cas au CA, on a un CA par semaine, on s'est pas encore posé la question de l'après. C'est qu'on est déjà tellement occupé et c'est tellement dense on peut pas être sur tous les fronts à la fois. Voilà, donc pour l'instant, on essaye quand même d'obtenir ce moratoire. Peut-être qu'on va l'obtenir. Et si on ne l'obtient pas, et si la commune est votée, eh bien, à ce moment-là, effectivement, il faudra aviser. Je peux poser une autre question? Oui, bien entendu. Il me semble que si on demande le moratoire, il faudrait que cette demande soit aussi assortie d'une proposition ou de propositions sur les manières de faire en sorte que nos collègues s'expriment. C'est un moratoire pour pouvoir faire un choix. Pascal, oui. Oui, je souhaitais juste intervenir sur le moratoire. Je crois que le moratoire, s'il n'est pas clairement spécifié quant à son objet, c'est-à-dire ce qu'on fait avec le moratoire, c'est peut-être un piège redoutable. Fioraso a déjà laissé entendre très clairement qu'elle accorderait un certain nombre de dérogations à des universités pour avoir un 2 mois supplémentaires pour peaufiner leur statut. Ça, c'est déjà accordé. Si c'est un moratoire qui permet seulement de trouver le temps de rédiger les statuts conformément à la loi actuelle, c'est un coup pour rien. On gagnera quoi? On gagnera peut-être une association sur toute la France, ou deux, si on se bat. Voilà. Mais les 20 autres regroupements, ce seront des communes ou des fusions. Je crois que l'objet du moratoire d'un an minimum, je ne sais pas d'avoir un moratoire de 2 mois ou de 6 mois, un an est un strict minimum, c'est un moratoire qui devrait avoir pour objet une réécriture de la loi. Une réécriture de la loi. Je ne dis pas de façon jusqu'au boutiste, abrogation LRU 1, abrogation LRU 2, etc. Je dis une réécriture de la loi pour la sortir de ces nombreuses contradictions et faire avancer d'autres formes de coopération possible entre les universités et les établissements, y compris, bien sûr, un modèle associatif de type confédéral. Je crois que si on pouvait s'entendre sur ce point qui me semble important, à savoir un moratoire pourquoi, un moratoire pour changer la loi, ce serait peut-être plus efficace qu'un moratoire pour simplement avoir le temps de s'inscrire dans le moule actuel dont nous ne voulons pas. J'avais une question. Tu mentionnais que 95% de vote pour la liste de Crécy dans l'UFR de médecine. Est-ce que c'est général sur l'ensemble des universités parisiennes, ce genre de prise de position? Est-ce que c'est général sur la France? Et comment l'expliquer? Parce qu'on passe tout de même très très au-delà de la répartition aléatoire. Là vraiment, il y a quelque chose... Et on passe vraiment dans la queue de la distribution de la probabilité, donc il y a vraiment un phénomène difficile à expliquer. Je ne sais pas si... Non, mais c'est peut-être un peu facile, mais je ne sais pas quelle est la réflexion là-dessus. D'abord, est-ce que c'est général? Je pense qu'au point de vue information... Je ne sais pas exactement, les gens qui sont là peuvent nous aider à voir. Je pense que sur la région parisienne, c'est relativement le cas. Hein, des votes, je ne sais pas, je ne vais pas dire 95%, mais 90 peut-être, ou 85 sur P5 peut-être 99. je ne sais pas, c'est une question que je pose et je serais aussi intéressé par connaître... les motivations, qu'est-ce qui se passe par derrière? Alors, je n'ai pas de données précises chiffrées comme point de comparaison, mais effectivement, ce serait intéressant. Oui. C'est-à-dire, le moment où nous étions en train de... Je suis aussi à Paris 7, et je m'étais un peu engagé dans la recherche de candidats pour la même liste. Et je sais que j'ai contacté des gens en médecine que je connaissais, qui avaient des idées similaires aux miennes, et la réponse, c'était, si je fais quoi que ce soit en direction de la liste ensemble, je suis morte pour mes demandes de promotion, pour mes demandes de crédit, etc. C'était clair et net, c'est-à-dire nous avons un système, quand je dis il faudrait penser aussi comment dans certaines UFR de type médical s'instaure un système de parti unique avec sanctions pour les contrevenants, et ça met tout à fait en cause tout ce qu'on peut appeler démocratie universitaire. Et je pense que c'est bien de penser à l'association, mais il faut aussi penser comment rendre statutairement impossible ce genre de pouvoir de parti unique au sein des universités. Matin, on a parlé du soviétisme de la loi. C'est tout à fait ça. Mais moi, je voudrais poser une autre question. C'est, vous avez parlé de votre représentativité, etc. Mais finalement, vous avez un projet qui semble très intéressant. Ce projet, en plus, c'est, vous êtes dans une presse commune extrêmement complexe. Et comment vous faites pour convaincre les collègues? Est-ce que vous prévoyez des réunions dans les différentes composantes? Est-ce que des réunions générales? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que ça discute? Comment ça discute? Est-ce qu'il y a une liste? Est-ce qu'il y a des listes? Est-ce que vous prévoyez des assemblées d'ensemble de la du presse commune? Est-ce que comment vous faites pour convaincre de la bonté de ce projet de convention? Alors, je peux donner des éléments concernant en fait la campagne à Paris Diderot qui a servi à faire parler énormément de ces deux projets. Mais d'avance, le point faible, c'est qu'effectivement, il faudrait organiser des réunions au niveau SPC pour discuter de ce projet. Mais bon. Et donc, en fait, pendant la campagne, nous avons été assez... les amphithéâtres publics, nous avons refusé volontairement les débats contradictoires en amphithéâtre public parce que nous estimons que ça ne donne pas lieu à des discussions véritablement fécondes, mais juste à des oppositions. Enfin, on les a refusés. Nous avions des amphithéâtres séparés et nous allions dans les UFR séparément. Et en fait, dans les amphithéâtres publics, finalement, il n'y avait pas tant de monde que ça, ça dépendait. On en a eu deux. L'un des deux, il y avait du monde et l'autre, pas beaucoup. En revanche, dans les réunions au sein des UFR, il y avait beaucoup de monde. Donc on a pu, et souvent les deux listes donc, ne parlaient pas en même temps, mais se succédaient. Et donc dans les UFR, c'est une question qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup débattue. Et la campagne s'est quand même préparée très tôt en amont. Donc on a tout de même beaucoup échangé avec des collègues. D'ailleurs, certains étaient radicalement contre l'association et tout à fait dans la position commune et ont changé d'opposition et finalement se sont retrouvés sur notre liste. Effectivement, nous avons essayé. Je n'ai pas précisé que nous n'avions pas de médecins sur notre liste. Et on a essayé d'obtenir des candidats en médecine. On n'a jamais réussi. On a eu finalement deux chercheurs INSERM qui sont quand même sur notre liste. Mais c'est vrai que du coup, les résultats correspondent. Alors, certes. Sans doute à un fonctionnement peut-être particulier, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est correspondre aussi à un manque de communication. Nous n'avons pas pu discuter et échanger avec les enseignants et les chercheurs en médecine. On a eu deux amphithéâtres en médecine. L'un des deux a été annulé parce qu'il y avait trop peu de présents dans l'assistance. Le second, où nous étions déplacés à plusieurs, nous étions 5-6, dont Michel Delamarre et moi. Et il y avait aussi assez peu de monde, mais on a décidé de le maintenir, sinon nous n'aurions pas eu d'espace d'échange. En revanche, on a eu une réunion en odontologie où il y avait déjà un peu plus de monde. Juste une piste. Il y a un truc qui marche assez bien. On a fait ça à Strasbourg à l'occasion de campagne électorale, mais ça peut se faire après. Proposer aux doyens de médecine ou à tel directeur de labo d'accepter un débat contradictoire. Et ça fait venir les médecins. C'est vrai. Ouais, je vais quitter la question des médecins, mais c'est pour compléter un petit peu ça, puis remettre un petit peu la question des étudiants dans la place, parce qu'on n'en parle pas beaucoup ici. Simplement, il y a quand même un travail intersyndical qui s'est mis en place suite aux élections, donc à la fois étudiantes et personnelles, qui rassemble, à ma connaissance, donc au moins nous, Solidaires étudiants, la liste donc avec le SNESUP, mais pas que le SNESUP, et je crois aussi des gens de la CGT, si je ne me trompe pas, voire peut-être d'autres. Et ce travail intersyndical est en train de déboucher sur une assemblée générale qui est appelée, je crois, pour début juin, et qui donc après pourrait déboucher sur je ne sais pas quoi exactement, mais peut-être un début de contestation un peu plus directe et un peu plus Je pense que les pétitions, c'est bien tout ça, mais si à un moment on ne va pas permettre aux journaux type Le Parisien, etc., d'écrire qu'il y a des enseignants-chercheurs et des étudiants dans la rue et que, oh là là, on commence à trembler, on va avoir du mal, quoi. On va avoir du mal, parce qu'en face, ils ne sont pas décidés à plier sous prétexte que... quand on voit comment Fioraso a réagi à la dernière pétition, en expliquant que de toute façon, c'est que des Parisiens, ils ne sont pas légitimes, etc., et en plus, on n'est même pas sûr qu'ils sont vraiment enseignants, enfin voilà... on va se prendre la même chose en pleine tête, a priori. Quoi. Il faut qu'on leur fasse un peu peur, à un moment. Je pense que non. Avant de faire peur, il faut que les gens sachent de quoi il est question. Et je veux dire, les gens ne savent pas de quoi il est question. Donc, c'est le prérequis. C'est indispensable. Je ne vois pas comment on pourrait imaginer que nos collègues ils aillent dans la rue comme ça. Je veux dire, pourquoi le ferait-il ? Ils ne savent pas de quoi il est question. Donc, la première chose, c'est d'obtenir un moratoire avec une condition de durée, d'une durée d'un an, pour que les personnes puissent s'informer. Et moi, je pense que faire une pétition neutre, ça paraît pas satisfaisant, mais c'est indispensable. Pour réclamer un moratoire, précisément, dans le cadre de Sorbonne Paris-Cité. Moi, mes collègues, ils ne savent pas ce que c'est que la Commu-E. Qu'est-ce qui les empêche de savoir ? Eh bien, nos collègues, ce sont des êtres humains comme tout le monde. Hein, et je veux dire, les personnes qui s'informent sur les règles, etc., ce n'est pas la majorité. Hein, donc, on ne va pas refaire les gens. Les gens, il faut les prendre comme ils sont. Donc, comme ils sont, ça veut dire qu'il faut leur dire, écoutez, nous, on vous propose de signer une pétition pour que vous soyez au courant. Et moi, je pense en revanche, je pense qu'il faut la faire minimaliste, la pétition. Mais je pense en revanche que ce qu'il faudrait obtenir, c'est des débats. Moi, je suis plutôt pour des débats institutionnalisés, parce que ça fait venir les gens. Et justement, je pense que dans le cadre d'un débat, on est gagnant. On est gagnant parce qu'il suffit de dire, il suffit de lire l'article L718-8, dernier alinéa. Hein, une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d'administration, hein, de la communauté, d'université et d'établissement après un avis favorable du conseil des membres, hein, rendu à la majorité qualifiée. Il suffit que les personnes soient au courant de cette disposition, hein, qu'elles ne connaissent pas, pour qu'elles elles réfléchissent. Hein, donc voilà, enfin, moi je crois beaucoup justement en l'utilité d'une pétition dans le cadre de Sorbonne Paris-Cité. Pardon, non, ça répond peut-être à ma question, parce que j'ai cru entendre des sous-entendus, mais donc il y a la pétition nationale réseau. Je voudrais profiter de l'occasion de sorte à ce que vous puissiez relayer de manière affirmative que le texte de cette pétition a été coécrit par une dizaine de personnes qui vont du NPA au centre droit, en passant par le PS, le Front de gauche, les Verts, des gens qui ne votent pas, qui n'ont pas voté hier. Donc, qui n'est pas une pétition marquée à un endroit spécial, qui demande précisément un moratoire, des débats et la reconnaissance publique de l'association. Donc, je ne comprends pas comment une nouvelle pétition pourrait amener quelque chose de plus neutre, de plus informatif. Et s'il y a une gêne qui était latente dans la prise de position, il serait temps de la dégager parce qu'elle n'a pas d'objet. Non, c'était pas du tout. C'était juste dans un souci d'efficacité pour que les personnes de Sorbonne Paris-Cité, c'était pas une critique de la pétition que j'ai signée, moi, hein, je veux dire très vite. C'était pour que les personnels de Sorbonne Paris-Cité se sentent spécifiquement interpellés. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on s'adresse à eux. Personnel de Sorbonne Paris-Cité. Ça fait doublon, mais c'est pour que les gens se sentent concernés. moi, je m'interroge sur ce qu'on peut faire d'un moratoire. Et il me semble qu'on pourrait le mettre à profit pour interroger un petit peu la nécessité des regroupements. Tu as parlé tout à l'heure de la nécessaire transformation des universités au XXIe siècle. Moi, je me demande quelle est l'origine de cette nécessité, si elle est millénariste ou bien si elle obéit à une rationalité ontologique ou historique ou politique ou technocratique, je ne sais pas. En tout cas, d'ores et déjà, une chose est certaine, c'est qu'elle n'obéit ni à une rationalité scientifique, ni à une rationalité pédagogique. Au contraire, les regroupements tels qu'ils se déploient aujourd'hui mettent à mal des coopérations anciennes, parce que, bien entendu, les universités et les universitaires n'ont pas attendu la loi Fioraso pour développer des coopérations qui obéissent, elles, à une rationalité tantôt scientifique, tantôt pédagogique, tantôt les deux. Oui, j'aurais un point d'accord avec Céline, qui est l'importance de l'information aux étudiants, au personnel de l'université. Sans porter quelques jugements que ce soit sur le degré d'information des collègues, je crois qu'ils sont, beaucoup d'entre eux, sont encore dans la phase d'intégration et de compréhension de la LRU 1. Un collègue sur deux, croyez-moi, n'est pas au courant aujourd'hui qu'il existe un conseil académique, il n'est pas au courant, ils ne savent pas ce que c'est qu'une CFVU et une CR. Comment serait-il au courant et comment aurait-il les outils pour comprendre ce qu'est une commu? Je crois qu'aujourd'hui, il y a un énorme travail. On est des pédagogues quand même, et c'est un paradoxe monstrueux qu'on ne soit pas capable d'avoir des outils pédagogiques simples à destination de nos propres collègues ou des étudiants pour faire comprendre la loi. Et là, il y a un travail monstrueux à faire. Je suis en train de me dire que mes billets de blog Mediapart, je vais tous les transformer en billets pédagogiques très, très, très simples, ou alors avoir des synthèses carrément au début de l'article pour tenter d'expliquer clairement les choses. Et ça dure depuis 2007, cette histoire-là, c'est-à-dire notre incapacité à faire comprendre, évidemment, au grand public, à la majorité des étudiants, et pire, aux collègues, un millefeuille administratif qui est très très complexe, c'est vrai, mais on est capable de rendre le complexe simple et puis peut-être de poser aussi les bonnes questions comme Michel là, le faisait à l'instant. Je suis entièrement d'accord avec lui. Reposons cette question. Voilà. Je veux dire, pourquoi faire? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est l'intention? Est-ce qu'on a besoin de ces regroupements? Et qu'est-ce qui existe aujourd'hui? C'est-à-dire, on n'a même plus le réflexe de se poser la question suivante. Évaluons l'existant. Observons l'existant. Est-ce que ça marche si mal que ça? Est-ce qu'il n'y a pas des coopérations? Il y en a. Et beaucoup sont excellentes et sont très bien. Et on n'est même plus capable de défendre ce qu'on fait aujourd'hui. C'est assez invraisemblable. Comme si on avait intégré un sentiment de culpabilité à force... bourre là, l'esprit de voilà, vous êtes mauvais, vous êtes nul, il faut changer, mais il faut changer pourquoi? J'avais donné une piste, hein, la SNRI, quoi. Je veux dire, beaucoup vient d'en haut, l'Europe. Les CPER. Les gens agissent quand ils sont frappés. Je ne peux pas dire qu'on est manqué de pédagogie. Il y a des vidéos incroyables qui sont passées, que tout le monde a visionnées. C'est une affaire complexe, mais enfin bon, écoute, quand même, on ne peut pas dire. Mais il n'y a rien. Si les gens veulent être sourds, parce que ils ont l'impression qu'il n'y a pas de prise. Par ailleurs, bon, est-ce que je dois le dire ici? Enfin, moi, je m'étonne, en tout cas, je ne suis pas rien, je m'étonne du silence formidable de mes syndicats. C'est quand même inouï. Bon, on a eu une AG sur ce sujet. À un moment, j'ai dit, mais il faudrait peut-être quand même discuter des modes d'association. C'était il y a un mois. Et on m'a répondu, je ne dirais pas qui. Oh, c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Alors, Moi, je ne sais pas quand est-ce qu'on parle des choses. Donc, il n'y avait quasiment pas d'enseignants-chercheurs. Il y avait beaucoup de doctorants, quelques syndicalistes, vous voyez, de l'intersyndicale. Mais c'est quand même désespérant, parce que c'est quand même un sujet quand même très important. Donc, on ne peut pas dire qu'ils n'aient pas été informés. Je veux dire, tout le monde savait qu'il y avait une AG. Je ne dis pas ça pour tous vous déprimer, mais enfin, les gens sont sourds. Pourquoi ils sont sourds? Ils se disent, on va pouvoir se débrouiller quand même, et de toute façon, ils avancent à marche forcée, et de toute façon, ça va passer en force. Et donc, on verra après comment on se débrouille soi. Non ?